Premier livre des Chroniques, chapitre 6. Les enfants de Lévi furent, Gerson, Kehat, et Merari. Les enfants de Kehat furent, Amram, Jitchar, Hébron, et Uziel. Et les enfants d'Amram, Aaron, Moïse, et Marie. Et les enfants d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar, et Ithamar. Éléazar engendra Phiné, et Phiné engendra Abizua. Et Abizua engendra Buki, et Buki engendra Uzi. Et Uzi engendra Zeraja, et Zeraja engendra Merajot. Et Merajot engendra Amaria, et Amaria engendra Ahitub. Et Ahitub engendra Tsadok, et Tsadok engendra Ahima. Et Ahima engendra Azaria, et Azaria engendra Johanan. Et Johanan engendra Azaria, qui exerça la sacrificature au temple, que Salomon bâtit à Jérusalem. Et Azaria engendra Amaria, et Amaria engendra Ahitub. Et Ahitub engendra Tsadok, et Tsadok engendra Salom. Et Salom engendra Ilkija, et Ilkija engendra Azaria. Et Azaria engendra Seraja, et Seraja engendra Jehotsada, et Jehotsada s'en alla, quand l'Éternel transporta Juda et Jérusalem par le moyen de Nebuchadnetsar. Les enfants de Lévi donc furent, Gerson, Kehat, et Merari. Et ce sont ici les noms des enfants de Gerson, Ribni, et Simi. Les enfants de Kehat furent, Amram, Jitchar, Hébron, et Uziel. Les enfants de Merari furent, Mali, et Musi. Ce sont là les familles des Lévites, selon les maisons de leurs pères. De Gerson, Libni son fils, Jahat son fils, Zinda son fils, Joa son fils, Ido son fils, Zera son fils, Jeatraï son fils. Des enfants de Kehat, Aminadab son fils, Koré son fils, Assir son fils, Elkana son fils, Ebiasaph son fils, Assir son fils, Tahat son fils, Uriel son fils, Uzija son fils, et Saül son fils. Les enfants d'Elkana furent, Amasaï, puis Ahimoth, puis Elkana. Les enfants d'Elkana furent, Sophaï son fils, Na son fils, Eliab son fils, Jéroam son fils, Elkana son fils. Quant aux enfants de Samuel fils d'Elkana, son fils aîné fut Vasni, puis Abija. Les enfants de Merari furent, Mali, Libni son fils, Simi son fils, Uza son fils, Sima son fils, Agija son fils, Azaïa son fils. Or ce sont ici ceux que David, établit pour maître de la musique de la maison de l'Éternel, depuis que l'arche fut dans un lieu arrêté, qui faisait le service devant le pavillon du tabernacle d'assignation en chantant, jusqu'à ce que Salomon bâtît la maison de l'Éternel à Jérusalem, et qui continuèrent dans leur ministère selon l'ordonnance qui en fut faite, ce sont, dis-je. Ici ceux qui firent le service avec leurs fils. D'entre les enfants des Kéatites, aimant le chantre, fils de Joël, fils de Samuel, fils d'Elkana, fils de Jéroam, fils d'Éliel, fils de Toa, fils de Tsuf, fils d'Elkana, fils de Maa, fils de Amasaï, fils d'Elkana, fils de Joël, fils de Zaria, fils de Sophonie, fils de Taa, fils d'Assir, fils d'Ebiasaph, fils de Corée, fils de Jitchar, fils de Kehat, fils de Lévi, fils d'Israël. Et son frère Asaph, qui se tenait à sa droite. Asaph était fils de Bérécia, fils de Sima, fils de Michael, fils de Baazéja, fils de Malkija, fils d'Ethni, fils de Zéra, fils d'Adaja, fils d'Ethan, fils de Zima, fils de Simi, fils de Jahat, fils de Gerson, fils de Lévi. Et les enfants de Merari leur frère étaient à la main gauche, savoir étant, fils de Kizi, fils d'Abdi, fils de Maluk, fils de Zabia, fils d'Amatsia, fils d'Ilkija, fils d'Ansi, fils de Bani, fils de Semé, fils de Mali, fils de Musi, fils de Merari, fils de Lévi. Et leurs autres frères lévites, furent ordonnés pour tout le service du pavillon de la maison de Dieu. Mais Aaron et ses fils offraient les parfums sur l'autel de l'Holocauste, et sur l'autel des parfums, pour tout ce qu'il fallait faire dans le lieu très saint, et pour faire propitiation pour Israël, comme Moïse, serviteur de Dieu, l'avait commandé. Or ce sont ici les enfants d'Aaron, Éléazar son fils, Phiné son fils, Abizua son fils, Buki son fils, Uzi son fils, Zeraja son fils, Merajot son fils, Amaria son fils, Ahitub son fils, Sadoc son fils, Ahima son fils. Et ce sont ici leurs demeures, selon leurs châteaux, dans leur contrée. Quant aux enfants d'Aaron, qui appartiennent à la famille des Kéhatites, lorsqu'on jeta le sort pour eux, on leur donna Hébron au pays de Juda, et ses faubourgs tout autour. Mais on donna à Caleb, fils de Jéphuné, le territoire de la ville et ses villages. On donna donc aux enfants d'Aaron, Hébron d'entre les villes de refuge, et Libna, avec ses faubourgs, Jatir et Estomoa, avec leurs faubourgs, Ilan, avec ses faubourgs, Débir, avec ses faubourgs, Hazan, avec ses faubourgs, et Betsem, avec ses faubourgs. Et de la tribu de Benjamin, Geba, avec ses faubourgs, Almet, avec ses faubourgs, et Anatot, avec ses faubourgs. Toutes leurs villes, selon leurs familles, étaient très en nombre. On donna au reste des enfants de Kehath, par sort, 10 villes des familles de la demi-tribu, c'est-à-dire, de la demi-tribu de Manassé. Et aux enfants de Guerson, selon leurs familles, de la tribu d'Issacar, de la tribu d'Azé, de la tribu de Nephtali, et de la tribu de Manassé en Basan, 13 villes. Et aux enfants de Merari, selon leurs familles, par sort, 12 villes, de la tribu de Ruban, de la tribu de Gad, et de la tribu de Zabulon. Ainsi les enfants d'Israël donnèrent aux Lévites ces villes-là, avec leurs faubourgs. Et ils donnèrent, par sort de la tribu des enfants de Juda, de la tribu des enfants de Siméon, et de la tribu des enfants de Benjamin, ces villes-là qui devaient être nommées par leur nom. Et pour ceux qui étaient des autres familles des enfants de Kehath, il y eut pour leur contrée des villes de la tribu d'Éphraïm. Car on leur donna entre les villes de refuge, Sichem, avec ses faubourgs, en la montagne d'Éphraïm, Gézé, avec ses faubourgs, Jokmeam, avec ses faubourgs, Bethoron, avec ses faubourgs, Ajalon, avec ses faubourgs, et Gatrimon, avec ses faubourgs. Et de la demi-tribu de Manassé, Ané, avec ses faubourgs, et Bilam, avec ses faubourgs, on donna, dis-je, ces villes-là aux familles qui restaient des enfants de Kehath. Aux enfants de Guerson, on donna, des familles de la demi-tribu de Manassé, Golan en Basan, avec ses faubourgs, et Astaroth, avec ses faubourgs. De la tribu d'Issacar, Kéd avec ses faubourgs, Dobrat, avec ses faubourgs, Ramoth, avec ses faubourgs, et Anem, avec ses faubourgs. Et de la tribu d'Azé, Mazal, avec ses faubourgs, Abdon, avec ses faubourgs, Uko, avec ses faubourgs, Héro, avec ses faubourgs. Et de la tribu de Nephtali, Kéd en Galilée, avec ses faubourgs, Amon, avec ses faubourgs, et Kirjatajim, avec ses faubourgs. Aux enfants de Merari, qui étaient de reste d'entre les Lévites, on donna, de la tribu de Zabulon, Rimono, avec ses faubourgs, et Tabor, avec ses faubourgs. Et au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, vers l'orient du Jourdain, de la tribu de Ruban, Betsé au désert, avec ses faubourgs, Jatsa, avec ses faubourgs. Kedemoth, avec ses faubourgs, et Mephaat, avec ses faubourgs. Et de la tribu de Ga, Ramoth en Galaa, avec ses faubourgs, Mahanajim, avec ses faubourgs. Hesbon, avec ses faubourgs, et Jazé, avec ses faubourgs.